Démarrez vos vacances à Adélaïde avec Qatar Airways et découvrez l'Australie authentique. Il y a tant à voir et à faire en Australie du Sud. Venez en profiter. Rendez-vous sur southaustralia.com.